L'intelligence spatiale. L'intelligence spatiale permet à la personne d'utiliser des capacités intellectuelles spécifiques pour avoir mentalement une représentation spatiale du monde. Les Amérindiens voyagent en forêt à l'aide de leur représentation mentale du terrain. Ils visualisent des points de repère, cours d'eau, lacs, types de végétation, montagnes, et s'en servent pour progresser. Les navigateurs autochtones font de même et naviguent sans instruments dans certaines îles du Pacifique.